بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah qui nous a guidés et par sa grâce il nous a élus parmi sa création. Il a révélé le Saint-Coran comme guide, preuve et justice pour les gens. Le Tout-Puissant a dit: et ton Seigneur a décrété que vous ne vénérerez que lui, et avec les parents soyez bons. Qu'il soit loué le Très-Haut. Par la grâce de lui, les bonnes actions aboutissent. Et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il a fait de l'obéissance des parents une obligation, et de leur désobéissance et leur brutalité une interdiction, et il a dit: ne leur dis même pas ouf et ne les brutalise pas. Il a fait notre éducation en nous disant: et sois humble et clément avec eux, et dis: mon Dieu, accorde-leur ta miséricorde. Et nous témoignons de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager, Seigneur des plus grands et le plus grand noble de la création, qui a dit: le paradis et sous les pieds des mères. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Serviteurs d'Allah, soyez bons avec vos parents, vos enfants le seront avec vous. Respectez les femmes des autres, vos femmes seront respectées. Et sachez que la malédiction d'Allah et dans la malédiction des parents. Vous n'aurez la bénédiction d'Allah que si vos parents vous bénissent. Il n'y a rien qui allonge la durée de vie et qui bénit les biens que la bonté avec les parents et le maintien des liens familiaux. Allah connaît vos délais et vos noms. Autrement dit, Allah connaît l'heure de la mort de chacun. Il vous a été ordonné la même chose qu'à vos prophètes. Et il a été ordonné à tous les prophètes d'être bons avec leurs parents et de leur obéir. Allah a dit: ô Yahya, Jean, prends le livre avec force. Enfant, ne lui avons donné la sagesse et un amour de notre part que nous lui avons béni. Il était un grand dévot, il était bon avec ses parents, il n'était ni dur ni désobéissant. Et Jésus-Christ a dit: je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a fait prophète. Il m'a béni où que je sois. Et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je suis vivant, et d'être bon avec ma mère. Et il ne m'a fait ni dur ni malheureux. Et Abraham a dit à son père: ô mon Dieu, pardonne-moi à mes parents et à tous les croyants qui rentrent chez moi, à tous les croyants et les croyantes. Communauté des croyants, trois n'entreront pas au paradis. Celui qui persiste à boire du vin, le maudit de ses parents, et celui qui institue l'immoral dans sa famille. Celui qui désobéit à ses parents, ses enfants lui désobéiront. Ce que tu as fait te sera fait. Tu ne seras récompensé pour le mal que par le mal. Allah a recommandé à l'homme d'être bon avec ses parents. Sa mère l'a porté dans son ventre malgré elle. Elle l'a mis au monde malgré elle. Et combien elle a souffert pendant la grossesse et l'accouchement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vous a interdit la désobéissance des mères, l'enterrement des petites filles vivantes, et d'être avare et avide de prendre aux autres. Comment peux-tu désobéir à ta mère qui t'a porté et mis au monde dans la douleur? Elle t'a nourri au sein pendant 2 ans. Avec toi, elle était d'une grande patience. Elle restait sur sa faim pour que tu manges. Elle veille pour que tu puisses dormir. Elle se fatigue pour que tu te reposes. Son lait est ta nourriture. Ses bras sont ta demeure. Son dos est ta monture. Avec toi, elle est douce et protectrice. Sans toi, la vie n'est rien pour elle. Alors, ne sois pas maudit. Ne la laisse pas dans ses droits, sinon tu seras parmi les perdants. L'un des signes de la fin du monde, c'est quand l'homme obéit à sa femme et désobéit à sa mère, quand il se rapproche de son ami et s'éloigne de son père. Lorsque l'enfant grandit, il souhaite la mort de ses parents, alors que il lui souhaite une longue vie. Allah maudit celui qui insulte ses parents et celui que ses parents ont maudit. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « De tous les péchés, Allah déferle ce qu'il veut au jour du jugement dernier, sauf la désobéissance des parents. Allah avance son jugement dans la vie avant la mort. » De nos jours, plusieurs mères se contentent d'un arrêt du mal qu'on leur fait et d'une bonne parole de l'enfant comme bonté. Elles prient pour des enfants qui ne les satisfassent que de silence et de sourire. Autrement dit, un rien leur fait plaisir. Combien de veuves démunies ont la charge d'orphelins? Elles doivent se débrouiller pour les nourrir et les habiller. Pour cela, elles acceptent d'être des bonnes à tout faire, dans les maisons où elles font le ménage et toutes les corvées. Et quand l'enfant grandit, il snobe sa propre mère, lui tourne le dos et dépense ce qu'il a dans les futilités et l'inutile. Serviteur d'Allah, que tu sois grand ou petit, ta mère trime pour te nourrir. Tu es riche, si tu es riche, tu l'humilies. Si tu es pauvre, tu lui imposes ta charge et celle de tes enfants. Il se peut que tu sois un peu généreux avec elle, alors tu t'en vantes et tu le considères comme beaucoup. Il arrive qu'une mère âgée, à la fin de sa vie, ou jeune et aveugle, désespère de la vie parce que son destin s'est assombri et il ne lui a laissé ni tuteur ni protecteur qu'Allah. Mal habillée, elle ne fait que pleurer. Elle espérait la bonté de ses enfants et leur reconnaissance. Elle les considérait comme un rempart entre elle et les malheurs du destin. Mais ils l'ont abandonnée à son sort. Ils ont négligé son droit sur eux. Ils sont préoccupés par leurs richesses, leurs enfants et leurs épouses. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les plus grands péchés sont l'association d'une autre divinité avec Allah, la désobéissance des parents, le meurtre et le fait de prêter serment pour un mensonge. » Le sallallahu alayhi wa sallam dit « Parmi les grands péchés, l'insulte d'un homme à ses parents. » Et on lui a dit « Messager d'Allah, un homme peut-il insulter ses parents ?» Il a répondu « Oui. » Il insulte le père d'un homme et celui-ci insulte son père. Et il insulte sa mère et il lui répond en insultant sa mère. Il est arrivé qu'un homme vienne demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer au jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda si ses parents étaient vivants. L'homme répondit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ton jihad est en eux. » Un autre homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Messager d'Allah, qui parmi les gens mérite ma meilleure compagnie ?» Et il lui répondit « Ta mère. » L'homme dit « Et puis ?» Et il lui dit « Ta mère. » L'homme dit « Et puis ?» Et il lui répondit « Ta mère. » L'homme dit « Et puis ?» Et il lui répondit « Ton père. » Communauté des croyants, écoutez les paroles d'Allah et de son prophète. Et sachez que celui qui se repent, qui croit et qui fait du bien, Allah change ses péchés en bonnes actions. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanahu wa ta'ala, izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.